Je t'aime. J'aime quand ton souffle s'enroule sous la couette et murmure en chantant la volonté secrète d'imiter la houle dans une tempête de sens en m'épatant. Je t'aime. J'aime quand un baiser volé s'envole dans les vallons de mon corps et qu'il frôle chaque moment de son vol, libre et frivole, baiser de diamant et d'or. Je t'aime. J'aime quand tes doigts se promènent sur mes lèvres, effleurant mon soupir, dont le rivage de mon grain de peau amène l'essence de mon plaisir, espoir d'un soupir. Je t'aime. J'aime quand ta peau sur ma peau m'enlace, qu'elle devient mienne, qu'elle m'appartienne, comme si dans cet instant précis, face à la glace, tu comprennes que je ne suis pas chienne. Je t'aime. J'aime ta virilité, quand elle est fragile et docile, qu'elle m'emporte dans mes désirs sans froisser ma sensibilité et ma joie de vivre en exil, loin des us et coutumes stériles des hommes coincés. Je t'aime. J'aime prolonger mon regard dans ta galaxie, retrouver les comètes, les étoiles et les trous noirs, là où tu m'élèves dans l'ivresse et l'asphyxie, comme une caresse de lumière à la manière de Renoir. Je t'aime. J'aime ton amour si profond, un éternel été qui ressemble à s'y méprendre à une gare, où les trains de passion s'élancent en liberté, où mes pensées au fil des départs s'égarent. Je t'aime. J'aime la grandeur de l'homme que tu es devenu, au-delà du simple rapport charnel, plus grand que les relations convenues, pour moi, un homme vrai, un éternel. Je t'aime. J'aime ton souffle dans le vent. Caresse la rose et parfume ton cœur, guidée sans détour par la rose des vents, un avenir radieux et plein de douceur.